édition spéciale du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine, on vous présente une compilation des chroniques jeux vidéo d'un autre gamer à un autre avec Frédéric Simon. Au cours des prochaines heures, Frédéric nous parlera des jeux Cuphead et Super Mario Odyssey, de la Nintendo Switch, de la controverse concernant Battlefront 2 et Electronic Arts. Il nous fera quelques suggestions de cadeaux. On commence tout de suite avec une petite chaîne de speedrun sur YouTube. Hey, maintenant, c'est d'un autre gamer à un autre. Semaine. Bonjour Frédéric. Allô Mathieu. Hello pour sa chronique sur les jeux vidéo, souvent rétro, des fois dans le présent, des fois même dans le futur. Oh. Ouh. Parlons maintenant speedrun. Speedrun. En fait, je voulais vous parler d'une chaîne YouTube pour commencer. La chaîne de Summoning Salt. Okay. Est-ce que tu connais Summoning Salt? Non. Il fait un travail très intéressant pour la communauté de speedrun. En fait, il a sorti une vidéo il y a 5 mois sur pourquoi faisons-nous du speedrun. C'est ouais, en anglais. Ça sert à quoi? C'est du divertissement, ça sert absolument à rien, comme la plupart des affaires qui sont faites pour le divertissement. Ben en fait, il compare ça un peu à la natation. Oui. Il dit, pourquoi tu voudrais battre un record? Vous voyez des runners faire des runs répétitives dans une séquence vraiment anodine pour améliorer une petite portion qui va leur faire sauver un millième de seconde dans une run d'une heure peut-être. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ben, pour la même raison que Michael Phelps fait des milliers d'allers-retours dans sa piscine. C'est drôle, ça c'est l'argument pour montrer que les jeux vidéo sont un sport. Moi, c'est mon argument pour dire que les sports, c'est aussi inutile que les sports. Mais c'est le fait que ben, ça prend beaucoup de travail ouais. Et que oui, c'est du labeur, que ça a l'air plate des fois de faire tout le temps la même chose, mais que ça rapporte des dividendes à la fin, si ce n'est que de la satisfaction personnelle. Oui, oui. C'est des bragging rights, c'est le droit de se vanter aux autres d'avoir été le plus rapide. Comme moi, j'ai le droit de me vanter d'avoir récupéré mon record du monde au Power Rangers. Et bravo! Mais ça, c'est une autre histoire. Tu vois, il se vante à la radio. Ah, voilà. T'as une tribune pour te vanter. Mais j'ai le droit. Ben oui, t'as le droit. T'es pas président, mais t'as le je droit. Je suis pas. Sinon, autre travail qu'il fait, il fait de l'historique pour ceux qui s'intéressent un peu aux statistiques et à l'histoire du speedrun. Ah, c'est pareil comme les sports, pour vrai. Là. Il y a vraiment plein de parallèles à faire. Quand même. Les statistiques. Il fait l'histoire des records du monde de certains jeux. Par exemple, avec Sonic 2 qui est sorti il y a 3 jours, il retrace le premier record qui est enregistré et parle des stratégies qui ont été découvertes depuis, quel temps a été enregistré, pourquoi que ça c'est plus rapide. Mm-hmm. Vraiment un travail intéressant. Je vous encourage à aller voir sa page. Donc, Summoning Salt sur YouTube. Summoning, comme dans Summoning. Ouais, comme Invoquer. Invoquer, c'est ça, j'avais aucune idée c'est quoi le mot en français. Invoquer. Summoning Salt. Invocation du sel. Du sel, oui. C'est génial comme intro, hey, ça. Ça groove. C'est vraiment cool. C'est l'intro du podcast Galaxy avec un point d'exclamation dans le milieu. G-A-L, point d'exclamation A-X-Y. C'est par Solo Bear. C'est vraiment, vraiment très, très bon comme thème. Je trouve ça cool. Mais là, on doit passer à un autre thème qui est un petit peu moins cool, mais quand même cool. Oh, on l'assume. On l'assume, c'est ça. C'est d'un autre gamer à un autre. Prog que l'autre. C'est l'autre avait beaucoup de variantes oui. Pour 30 secondes. C'était comme 3-4 thèmes en même temps, mais en 30 secondes. Oui. Bref, oui. Celui-là est de même. Bon, ça. Mais ça fait jeu vidéo. Ça fait effectivement jeu vidéo et c'est justement le sujet de ta chronique, Frédéric Simon, chaque semaine oui. Ou deux semaines ou trois semaines, ou dépendant de quand est-ce que ça donne. Quand je suis disponible. Quand tu es disponible et quand je suis disponible. Voilà. Hein? Bon, fait d'un autre gamer à un autre et aujourd'hui, t'as un florilège de sujets. Un florilège. C'est beau, hein. On sort les mots. Je parle bien, là. Quand même. Mon vocabulaire, tu sais, je m'enferme dans chaque mot. Dans mes chroniques, mais des fois j'en sors des beaux. C'est correct. De quoi on parle en premier? On va commencer par la révélation un peu cette semaine sur Twitch. Il y a plein de streamers que je suis. Tu es plein de streamers, t'as plusieurs personnalités de streamers, toi. Oui, oui. Plusieurs streamers que je suis. Je suis. que je follow. Ah, voilà. À la française. Ouais. Tous partagent l'intérêt pour ce jeu indépendant qui est sorti le 29 septembre. Hey, mais hein, c'est vraiment un beau jeu. C'est un très beau jeu, ça s'intitule Cuphead. Et pour ceux qui veulent se faire une idée des graphiques, c'est très inspiré, en fait, immensément inspiré des dessins animés cartoon américains des années 30. Genre les premiers Mickey Mouse. D'ailleurs, le personnage principal ressemble étrangement à Mickey Mouse, mais tu remplaces la tête par une tasse. Par une tasse de thé. Genre. Je dirais pas café, plus thé. Hein? Ah, ouais, disons thé. Avec une petite paille rétro rayée blanche et rouge, là. C'est magnifique, pour vrai. Je sais pas comment ils font pour faire que ce jeu vidéo-là puisse être interactif, là. Mais c'est comme si c'était dessiné sur des trucs transparents, là. C'est en fait dessiné sur celluloïde. Celluloïde, cherchez le mot, voilà. Et le fond est en aquarelle, comme dans les animés. T'aurais pas pu faire ça. Ben, ça a l'air vieux comme jeu, là, mais t'aurais pas pu faire ça avant la technologie la plus récente, genre. Non, mais c'est vraiment intéressant parce que justement, ça allie un peu le côté rétro avec les nouveaux jeux. Et le jeu est, ma foi, très intéressant. Quoique, toutefois, peut-être un peu court. Bon, oh, regarde le point négatif dès le départ, Fred, Simon. Ben, en fait, c'est un des seuls points négatifs de ce jeu-là. Parce qu'il est vraiment intéressant. C'est un jeu style un peu plateforme, ouais. Mêlé avec du shoot'em up. Ok. Dans le fond, tu tires à peu près tout ce qui bouge. C'est ça, il y a quelque chose qui vient vers toi, tu tires dessus, c'est pas mal. Avec plusieurs boss intéressants et un peu épiques. Ok, parenthèse, j'ai fermé mon micro pour éternuer. Je me suis dit que t'allais continuer ta phrase, mais finalement tu l'as pas fait, puis j'ai rallumé mon micro, puis c'est là que j'ai tout fait, que j'ai éternué. Mais en fait, je regardais ton visage, on dirait que t'avais quelque chose de drôle à dire, mais c'était simplement que t'allais éternuer. C'est que j'ai levé le doigt en signe de parler, en effet, mais finalement, non, il est sorti comme, tu sais, comme quand quelqu'un te surprend dans une comédie genre Friends ou quelque chose comme ça, puis là, le personnage fait comme, il souffle son café dans l'autre personne, ça a vraiment fait ça. Fait que, tu sais, ceux qui veulent voir mon éternuement, là, il est pas mal situé devant moi. Là, bientôt, c'est fou en live. Oh. Wow! L'antivirus va se faire aller sur la... à cause de mon mucus, si tu comprends le gag. Oh là là là là. On parlait de Cuphead? On parlait de Cuphead et de son acolyte parce que ce jeu se joue aussi en coop avec Mugman. Est-ce qu'il appelle ça en coop? Comme c'est UUP? Oh. Ça a été ça, bon, c'est hein? Fort. Mais non. Mais non. Non. Le jeu est par contre extrêmement difficile. Ah oui? Il y a plusieurs modes de difficulté et tu peux jouer en extrême. Assez, c'est un bon challenge, disons. Mais pour vrai, je m'excuse d'avoir toutes les idées de marketing juste pour moi et pas les laisser à cette compagnie-là, mais les modes auraient dû s'appeler genre le mode espresso, velouté et corsé. Tu comprends, gang? C'est des opportunités par-dessus la... Mais qu'est-ce que tu fais encore ici? T'es pas dans un studio de jeux vidéo en ce moment. N'importe où en marketing serait mon genre. Je sais plus quoi dire. C'est ce que je fais tout le temps, personne ne me comprend, je fais des gags puis je déroute tout le monde. Sinon, quoi dire d'autre que ce jeu se vend environ 22$ sur Steam. Il est disponible sur justement les plateformes internet, ouais. Et sur Microsoft Xbox One. Pour vrai, 22$ pour un jeu qui a dû vraiment, vraiment prendre beaucoup d'efforts, de cœur et de sueur. C'est un jeu fait à la main, genre. Mm-hmm. C'est pas cher. Comparé à un jeu d'une grande boîte qui se vend comme 90$ en ce moment. On n'aimera pas de compagnie. Nintendo. C'est ouais, ça. Mais oui, pour en fait, c'est deux indépendants d'un studio qui ont développé ce jeu-là. Puis vraiment, c'est un excellent jeu que je conseille. Yes, je suis content d'entendre ça. J'ai hâte d'y jouer. Du talent là-dedans. Du talent. Passons à une nouvelle très rapide du côté de Minecraft. On sait qu'avec, par exemple, le jeu Rocket League, il y a du cross-platforming, qu'appelle. Jouer avec contre des gens sur PlayStation alors que t'es sur une Xbox, c'est le contraire. Ou PC, oui. Bien sûr. Ben, ce sera désormais possible avec Minecraft, avec l'update Better Together. Ah, oh, c'est le fun! Est-ce que t'as vu passer la nouvelle d'un jeu, je me rappelle pas lequel, là, je l'avais mis dans mon bulletin, c'est un instant où je l'ai enlevé à la dernière seconde, avoir su le regarder, mais qu'il y avait eu un bug dans un jeu quelque part, puis tu pouvais jouer sur PlayStation contre les gens d'Xbox et le contraire, mais c'était pas voulu, c'était un bug. Oh! Et ils l'ont enlevé, genre. J'étais pas au courant de fallait, ça. Fallait être là, ouais. Fallait être là. C'est une nouvelle qui est comme plus pertinente une fois que c'est fini. Mais oui, donc vraiment intéressant. As-tu déjà joué à Minecraft? J'ai plus regardé les gens jouer à Minecraft que jouer moi-même, mais oui, un peu. C'est quand même plaisant et relaxant, surtout avec la bande originale. Ouais, parlant de bande originale, je voulais... On m'a dérouté tantôt, mais je voulais... Mais qui t'a dérouté ou déraillé dans cette émission-là? Je sais pas, c'est peut-être un éternuement. j'aimerais peut-être ça qu'on entende tout de suite une partie de la bande originale. C'est une belle transition quand même, oui, je trouve. Ouais. C'est vraiment très bon avec la musique jazzy. Ah oui, dans deux sujets. On l'écoute. C'est pas celle-là que tu me diras. Par contre, tu vas me dire que c'est plutôt, mettons, celle-là. Mettons. J'aurais dû éternuer à la place de faire le mauvais. Ça commence tranquillement, mais ça part. Oh! J'aime ça de la musique de même. C'est bon. C'est inspirant, je trouve. C'est motivant quand tu joues. Motivant. La trame sonore de Cuphead. La pièce One Hell of a Time. On est dans d'un autre gamer à un autre. On a parlé du jeu Cuphead ensemble. On était en train de commencer à parler de Minecraft avant que tu t'inspires de moi et que tu dérailles la chronique. Voilà. C'est bon quand même d'avoir un bon modèle. Hein? Mm-hmm. Prends un qui se trompe pas à place. Ben, t'es mon seul modèle, oh, Mathieu. Merci. Ah. on parlait de Minecraft et du jeu entre consoles différentes. Oui, en fait, c'est le prochain update, la prochaine mise à jour qui va sortir, Better Together, qui va permettre le cross-platforming. Donc, vous pourrez jouer d'une Switch. D'ailleurs, Minecraft sorti sur la Switch aussi, avec une PlayStation 4 ou un ami qui joue sur Xbox One. D'ailleurs... grâce à ce cross-platforming-là, Master Chief va faire une apparition. Mais là, tu parles de cross et de master. C'est un peu trop de connotation. Ah, mais ça, c'est toi qui le Excuse-moi. Excuse-moi, je suis un mauvais exemple. Mais oui, c'est que en fait, il y a des packs d'images que tu peux obtenir qui étaient en fait exclusivité Xbox, qui était un pack d'images à l'effigie de la série Halo. Oui. Mais puisque le cross-platforming va inclure ces packs d'images-là, ben, on va pouvoir avoir des images de Master Chief sur PlayStation et sur Switch. Pour probablement la première fois de leur histoire. Ben, probablement. Pas probablement. Oui. Pas mal convaincu. Ouais. C'est pas mal évident. C'est quand même un des gros noms de Microsoft. Vraiment, une des raisons en fait que les gens achètent une console de Microsoft, c'est parce que les exclusivités dont Halo sont là-dessus. T'sais. Et voilà. Et voilà. Mais tiens, faisons le pont. Parlant de Halo et de mauvaise fin de jeux vidéo. Oh! Je l'ai pas vu venir. Il y a une mauvaise fin. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des suites, j'imagine. Peut-être. Peut-être. Écoute, je suis personnellement un très grand fan de la série Halo. Mm-hmm. Ça ne m'empêche pas d'être un tantinet objectif. Ben, faut bien, des fois, les fans, les fanboys, là, on aime pas ça. Il y a personne qui aime ça, t'sais. Non. Faut voir du négatif dans tout et tu le fais bien à date. Tu commences souvent par ça, t'sais. Ben, tiens, commençons par le négatif de Halo. Allons-y. Avec Halo 2, pour commencer. Mm-hmm. Jeu qui est très intéressant, probablement un de mes préférés de la série avec le 3, dont je vais continuer par la suite. Fait dans l'ordre, ça fait 2-3-1, ça. Oui, mais il y a aussi maintenant 4-5 et Reach et ODST. Il y en a une panoplie maintenant. Mais oui, c'est. Je vais me contenter de parler du boss de fin d'Halo 2 qui est extrêmement décevant. Puisque le jeu crée quand même une certaine tension avec l'histoire. Mm-hmm. Et on arrive à la fin et on bat le boss. Tartarus, une espèce de grosse... Tartarus! Ça commence mal. Une grosse brute poilue avec un marteau. Faite avec du bœuf cru. Tartarus Angus. et oui, et lorsqu'on le défait, il fait simplement s'écrouler. Cinématique c'est de tout? Fin. Wow. C'est tout. The end. Pas d'explosion ou de... C'est fade. C'est fade. Wow. Par contre, Halo 3... La fin, en tant que telle, mm-hmm. est magnifique, avec une sequence... Une escape sequence! Une séquence d'échappée! Genre, en français, pour... Ouais, 101. Séquence d'échappée, je sais pas. Non, ça se dit vraiment pas. Il s'en va, il sac son camp. Oui, bon. À la bord de du Warthog, les espèces de Jeep d'Halo. Mm-hmm. Et là, ça explose de partout. C'est vraiment cool. Ils ont fait ça juste parce que les fans n'avaient pas aimé que ça explosait pas dans le 2. Hein. Peut-être. Ouais. Parce que ça a fait la même chose dans le premier. Ça explose de partout et tu fuis à Warthog. Mais dans le 3, c'est la cinématique de fin qui est décevante. Okay. Puisqu'on apprend que peut-être que Master Chief serait mort. Ah. Et mais finalement, il est pas mort. Il n'est pas mort. Spoiler alert, il y a comme 12 autres jeux après. C'est ça. C'est ça. Ils se passent tous dans un ordre chronologique ou pas? Pas exactement, okay. Mais mettons 1, 2, 3, oui. Après ça, ça revient avec Reach. Fais pas ton Star Wars avec moi. Imagine Pokémon, c'est compliqué. On l'a vu il y a 2 semaines. Oui, et aussi il y a 3 semaines. Parce que la même émission joue 2 semaines de suite. Ben, c'est ça. C'est ça le gag, hein. C'est drôle. Et peut-être prochainement dans une autre série. En tout cas, spoiler alert. Ah! Je laisse ça à Samuel Girard. Ah, il t'a révélé le sujet de ses prochaines chroniques, toi. Ouais. Oh, ben, moi, j'ai pas eu ce privilège-là, puis j'allume l'émission. Il y a mon nom 2 fois dedans. Mais oui, en tout cas, pour revenir à la fin d'Halo 3. On se trouve beaucoup trop drôle l'un l'autre. Hein? Oui, mais c'est pas un méchant problème. Non, non, c'est un très bon problème. Ça fait juste des malaises des fois. Voilà. Oui, avec Halo 3, oui, on croit que Master Chief est mort, mais si on joue à la version légendaire, à la difficulté légendaire, on a une autre cutscene qui fait que Master Chief se cryogénise lui-même. Ah ouais. Pour revenir plus tard. Wow. C'est quelque chose. C'est en effet assez légendaire. Sinon, du côté rétro, tiens. Au Super Nintendo, as-tu déjà joué à Jurassic Park? Non. La fin du film où ils font que décoller en hélicoptère et il y a le générique qui passe sur fond de mer. Okay. Ben, ils ont essayé de reproduire ça sur Super Nintendo. Uh-huh. Mais ça fait que on voit simplement une animation d'une tache verte qui représente l'île. Okay. Avec le carré du logo de Jurassic Park. Uh-huh. Qui s'éloigne et le générique passe sur fond bleu. C'est vraiment pas très réussi. Le budget a pas été mis là-dessus, je pense. Hein. C'est... Tant qu'à faire, fais-le pas. Mais surtout que le but du jeu en tant que tel, c'est de récolter les œufs de dinosaures. Ouais. Et lorsque tu récoltes le dernier œuf, tu te rends à la plateforme d'hélicoptère et tu quittes. Wow! Il aurait pu faire quelque chose genre les dinosaures ne meurent jamais puis ils vivent toujours avec nous aujourd'hui, puis t'as comme ils flattent un petit dinosaure. Peut-être. Ça? Non, en même temps, ça se passe pas vraiment à l'époque des dinosaures, Jurassic Park, maintenant t'en parles. Non, ça se passe à l'époque moderne, ouais, mais avec l'île de dinosaures. Ouais. Mm-hmm. J'ai une langue de culture, hein, ça paraît. Toujours du côté de Nintendo, tiens, avec un jeu au Nintendo 64, Conker Bad Fur Day. Oui, on en parle souvent avec Sam, c'est un de ses jeux préférés. Oui, et c'est d'ailleurs une suggestion de mon ami Marc-Olivier Dima aussi, c'est un de ses jeux préférés. Dans d'ailleurs, le même crew? Il le speedrun. Hein, quand ça ou ça? Ah, mais il le fait en général, okay. C'est un de ses jeux de prédilection. Mm-hmm. Oui, le jeu commence suite à une beuverie. OK. Et le jeu se termine évidemment sur une beuverie aussi, ouais, mais pas pour les mêmes raisons, parce qu'il veut oublier la mort de sa petite amie. Oh! Ton maîtrise, on savait-tu déjà? C'est oui, on savait, okay, c'est... Mes réactions sont tout moches. Oui, en fait, la cinématique de fin, on voit Conker assis sur le trône, mais triste d'avoir vécu toutes ses aventures. Ouais. Ça finit sur une note sombre. Oui, oui, malheureusement. Autre note, autre fin sombre, du côté de PlayStation avec Metal Gear Solid. Mm-hmm. Encore une fois, une possibilité, plusieurs possibilités de fin. Parce que j'espère que c'est pas la fin où finalement la fille est tout nue à la fin. Ça, c'est une très bonne fin. Ça, c'est une très bonne fin. Mais non, au contraire. C'est possibilité de voir son acolyte féminine Meryl mourir dans le jeu. Oh. En fait, c'est si tu te rends à la période d'interrogatoire, ben, tu vas terminer le jeu avec un autre personnage plutôt qu'avec Meryl, dont l'histoire de romance possible n'aura jamais lieu finalement. Ben non. Et il fuit en skidoo comme ça en Alaska. En skidoo? Oui. Wow. C'est comme ça que ça se termine. Les mauvais jeux finissent par des séquences dans des moyens de transport, c'est ça? Pour toi? Peut-être, oui. Ouais. T'aimes pas ça, les moyens de transport? Non. Non. Pour ça que la chronique Tout ce qui bouge, là. Passe-moi ça dans le top d'heure, là. J'ai décidé de la mettre en fin d'émission pour pouvoir la skipper si jamais j'ai pas le temps. Ça paraît-tu? Ça paraît-tu? Ouais. En tout cas, t'as bien fait. Merci. Je trippais pas. Autre très bon jeu qui a une fin un peu discutable, Final Fantasy X. Ça, c'est l'édition numéro 43, j'imagine, parce qu'on se met dans l'ordre, puis il y en a des 2 puis des 3 de chaque lettre. Ouais, mais c'est comme le 4, c'est le 1, le 5, ouais, c'est le 2, genre... le 6, c'est le 3. Non, mais celui, c'est vraiment le X. Ouais, oui, X. qui a eu une suite, d'ailleurs, le X2. Je savais. Mais un jeu que j'ai adoré, qui est vraiment de très bonne critique, il est très bon, l'histoire est excellente, mais à la fin... Le personnage principal, si tu ne le fais pas à 100%, ne fait que disparaître, puisque c'était comme un espèce de rêve. Oh là là, les rêves, là. À la télé, au cinéma, dans les jeux vidéo, je trouve ça vraiment cheap et facile. C'est extrêmement facile. Et évidemment, l'histoire de romance n'a pas lieu, puisque l'autre personnage principal féminin, Yuna, ben, elle voit Tidus disparaître, le rêve. Mais le jeu au complet a été un rêve ou juste le personnage? Juste le personnage. Okay. Le personnage est un rêve dans la réalité. Ah ouais, ben oui. C'est quasiment original. C'est quasiment original. Ouais. Mais bon, je crois qu'ils ont comme essayé de rattraper ça avec les X2, puisque encore une fois, là, faut finir le jeu à 100% pour avoir la bonne fin, où Yuna retrouve Tidus à la toute fin. Mais le jeu X2 est discutable. Ouais, il aurait dû dire que c'est un rêve, que c'est un rêve. C'est un rêve que c'est un rêve. Ouais. On dirait un thème de François Pérusse. C'est un rêve que c'est un rêve. autre fin un peu décevante, Mass Effect 3. Mm-hmm. Un jeu qui est extrêmement basé sur les décisions que tu prends tout au travers du jeu. On peut s'attendre à une fin un peu particulière. Mais non, en fait, il y a 3 fins et sont scriptées et ça ne dépend pas de tous les choix dont tu fais dans le jeu. OK. Donc, ça dépend de quoi? Ça dépend du choix que tu fais à la toute fin. Le dernier choix. C'est le plus important. C'est comme un match d'impro, tu sais. Ça détermine le gagnant. Oui. Oui, quand c'est à égalité. Quand que toutes les quêtes et tout dépend de tes petits choix, mais qu'à la fin, bon, ça avait pas vraiment d'importance si ça va être ça, ça ou ça. C'est poche. C'est un jeu récent, en plus. Il y avait la technologie pour faire des embranchements et des... Un jeu, oui, assez récent. Puis, bon... Disons qu'à partir du deuxième Mass Effect qui a connu un espèce de déclin, Andromeda a eu un paquet de bugs d'ailleurs. C'est pas trop... Je les conseille pas tant que ça, non. Finalement. Non. Ouais.

c'est vendredi. Oui, c'est ça. Ben, le vendredi 17 novembre. Vendredi 17 novembre. C'est pas compliqué à comprendre, ça, voyons. Eh bien, semble-t-il que EA a à nouveau revisité sa façon de voir. OK. Parce que j'avais annoncé comme quoi que, bon, ben, ce sera pas un pay-to-win pour obtenir les affaires les plus puissantes dans le jeu, les héros les plus puissants. Ce qui est pas super cool parce que ça fait qu'il y a des gens qui sont super avancés parce qu'ils ont payé tout plein d'argent pour avoir des cossins. C'est ça. Ça. Bon. Ben, ça se retrouvera pas dans les loot box, mais que plutôt, ce sera des récompenses dans le jeu, etc. Il va falloir que tu les mérites un petit peu plus, c'est ça? Semble-t-il qu'ils ont fait un petit peu marche arrière. OK. Puisque il serait possible, en fait, à la sortie du jeu, parce que tu payes ton 90$. Ouais, tu parles du 17 novembre, vendredi 17 novembre. C'est ça. Quand tu payes ton 90$ pour avoir ton jeu et pouvoir enfin jouer, ben ces héros-là ne seront pas disponibles pour l'instant. Ils auraient été disponibles pour... En fait, il va falloir avoir joué 40 heures. OK, oui. Pour débloquer ne serait-ce qu'un seul de ces héros-là et refaire la même procédure pour en avoir un deuxième. OK. Ou... payer de l'argent. Super. Est-ce que t'as les prix? T'as pas les prix, hein? Il y a un site internet, j'ai perdu la source qui disait que pour avoir les crédits nécessaires pour avoir le héros... Parce que jamais tu payes jamais de l'argent. Tu payes de l'argent pour acheter des crédits et les crédits achètent ça. Ça serait environ pour près de 100$ pour avoir accès à ça. Mais il y a des gens qui le feraient. Oui, oui. Ou attendre 40 heures. Bon. Ça dépend de combien t'es payé de l'heure. Le problème, c'est que EA avait fait une pré-sortie pour les médias, ouais, dans lesquels ils pouvaient essayer le jeu, et on voyait le nombre de crédits que ça prendrait débloquer les héros, qui était vraiment moins cher que ce qui va sortir à la sortie. Est-ce qu'ils ont préparé leur coup pour faire comme, voici le jeu, il est très bien, il est très bonne critique, et là on sort le jeu, mais pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher tout d'un coup? Wow, ça fait traître un peu, hein? Ça fait traître. En fait, ils ont quadruplé les prix. Quadruplé! Déjà que 25$ pour avoir ça, c'est quand même cher. Oui. Le résultat de cette passe-passe, mm-hmm, un nombre incroyable de plaintes sur leur service à la clientèle et un nombre incroyable de personnes qui voulaient annuler leur précommande. Mais assez vouloir et le faire et se plaindre versus pas l'acheter. Mm-hmm. Assez qu'on ne pouvait plus simplement annuler notre précommande. Il fallait envoyer un message au service à la clientèle qui te répondait pour savoir pourquoi tu voulais l'annuler. Hein? Et là, tu disais, ben, je pense que vous le savez pourquoi. Ouais, c'est ça. You know là, why. Il annulait ta précommande. Aïe, aïe. Mais non seulement ça, EA a fait un message sur le site internet Reddit, mm-hmm, et ce message est passé à l'histoire comme étant le post le plus downvote, les pouces en bas, là, ils sont mis le pied dans la bouche, comme on appelle, ouais, ouais, avec plus de 600 000 downvotes pour, ouais, leur post. C'est des gens de don't like, là, j'aime pas ça. Là. C'est, ouais, ça. À titre comparatif, le post qui a le plus de likes, mm-hmm, en avait un peu plus de 200 000. Aïe, aïe, OK. C'est même pas comparable. La réponse en tant que telle stipulait que bon, ben, l'intention, c'était d'offrir aux joueurs un sentiment de fierté après avoir joué 40 heures pour avoir débloqué ces choses. Ils ont corrigé le tir en réduisant les prix de 75%. Dans, okay, fond, ils l'ont remis comme il était, finalement. Ils l'ont pratiquement remis comme, ouais, il était. Parce qu'ils disaient que c'était qu'il avait quadruplé, donc si tu redescends de, c'est ça, pas mal le quart, ouais. Sauf que si tu... En fait, le chiffre exact, c'était, mettons, 10 000 crédits qui étaient annoncés pour les médias pour avoir Luke Skywalker ou Darth Vader. OK, c'est quand même des grosses affaires. Puis, c'est ça, tu t'achètes Battlefront 2, tu peux pas avoir Luke Skywalker ou Darth Vader. C'est un peu, ouais, c'est un peu triste. Mais dans la version qu'ils voulaient lancer, c'était 60 000 crédits. Et là, ça va retomber à 15 000 crédits. OK, 10 000 contre 6 000 contre 60 000? 60 000? 10 000 ou 60 000? Ça fait 6 fois plus. C'est ça. Et là, ils redescendent à quoi? 15 000? Ce qui fait le quart de 60 000. C'est ça. Hey, j'essaye vraiment les maths aujourd'hui, c'est pas là-dessus. J'ai sûrement tout faux, j'espère. Eh ben, c'est une fausse solution dans un sens, puisqu'ils vont aussi diminuer les prix que tu vas recevoir, mettons, ben oui, en finissant la campagne solo. C'est sûr, l'inflation, hein, c'est inversé. Donc, bref, il va falloir que tu joues quand même plus pour obtenir tes choses ou que tu dépenses. Et j'ai vu une manette sur Facebook, c'était la nouvelle manette EA, qui ressemblait un peu à la Pro Controller de Switch, okay, mais avec une place pour insérer ta carte de crédit. C'est très bon. C'est du vol. C'est du vol. T'as déjà payé quasiment 100$ avec les taxes là, pour ton jeu. Là. Puis en plus, faut que tu payes. C'est un peu la réputation qui précède EA, hein, ouais, le pay to win, le pay pour avoir des fonctions. T'as pas à payer pour jouer, le jeu va fonctionner gratuitement, oui, mais t'auras rien de mieux que les autres. C'est ça. Tu vas te sentir. C'est comme avec les jeux de sport où, par exemple, le NHL, je crois que c'était le 2015 ou le 2016. Tu avais des fonctions de base qui étaient sur les versions précédentes de. Là, ça fait 12 ans que cette fonction-là est là. Là, ah, tu l'enlèves, mais tu le mets en DLC payant. C'est tellement pas correct. C'est une façon de faire. Ouais. Ben, c'est du marketing, hein? C'est ça. Et les gens, l'idée, ce qui fait que ça continue, c'est que les gens payent pour. Si c'est personne ça. S'en servait, ça arrêterait. Mais, peut-être qu'ils veulent. En fait, peut-être qu'ils veulent se racheter dans un certain sens pour les jeux de sport, entre autres. Parce qu'il y a une nouvelle édition à chaque année, NHL 2015, 16, 17, 18, ça finit plus. Peut-être qu'on va passer à autre chose. Si ça marche moins qu'avant, oui, ça pourrait. En fait, ils ont déjà évoqué la possibilité de passer à un modèle où tu achètes une fois la version du jeu et après, à chaque année, il y aurait une mise à jour payante. Oui, donc il n'y aurait plus les années tout le temps. C'est ça, exactement. C'est un modèle qui est déjà utilisé ailleurs dans le monde, comme en Chine ou en Corée du Sud pour certains jeux. Donc, peut-être que ce modèle pourrait être appliqué. Mais ils vont te charger beaucoup plus cher pour le jeu à la base, vu qu'ils n'auront plus leur argent sur les DLC. En fait, je trouve ça triste parce qu'ils disent que l'industrie du jeu, ça coûte plus cher à produire et tout ça, que le prix des jeux en tant que tel ne suit pas. Je suis plus ou moins d'accord là-dessus, puisque... Les blockbusters au cinéma coûtent encore, me semble, plus cher que ça, que les effets spéciaux, tout ça, puis ton billet coûte quand même relativement peu cher. On s'entend, 15-20$, c'est moins que 90. C'est ça, puis à ma connaissance, mettons les jeux de Xbox 360, les nouvelles grosses sorties, ils étaient 60$ et pas 90$. C'est ça. Quand même une certaine marge de manœuvre, là. Non, mais pour vrai, je peux pas croire que le prix d'un jeu est genre le quart du prix d'une console, mm-hmm, à peu près. Puis, tu sais, un jeu de Switch, un nouveau jeu, c'est 91 et 17, je crois, ouais, ça genre. Coûte avec les taxes, là. Mais la Switch coûte 400$. C'est ça, t'achètes vraiment 3 ou 4 jeux et voilà, t'as ta Switch. Ridicule! C'est une bonne console! On est bien contents. Des bons jeux! Oui, de plus en plus! Ben oui! Mais c'est cher que le Colin. Oui, puis c'est pas juste les jeux et la console, c'est tous les à côté aussi qui viennent avec. Oui, la Pro Controller, c'est un autre 90$! Et voilà! C'est le prix d'un jeu, imagine! Construire une manette et construire un jeu. Même prix! Même prix? Même prix. Mais tu l'as mis! Oui, tout à fait, j'ai payé pour avec plaisir et je suis très très content de mon achat. Des deux bars, trois bars. Les trois bars. La console, la manette, okay, le jeu. Je pensais les trois bars de la manette. Comment tu calcules ça? Le côté droit, là, non, je sais pas. En fait, c'est vrai que le côté gauche, il est lousse. Ma manette a. Mais tu vois, moi, j'ai rejoué beaucoup avec ma Switch dernièrement, puis mon Joy-Con dans ma Switch fonctionne assez bien, il est pas lousse. Ok, ah, c'est bizarre ça. Parce que je disais à Frédéric Simon l'autre jour que le joystick de gauche sur la Switch, une fois que tu les mets sur l'écran, là, sur le petit truc, mon côté gauche bougeotte un petit peu. Et si je vais trop vers l'avant avec mon joystick, donc pas vers moi, vers l'autre côté, elle se détache de la Switch, que ce soit sur le Joy Grip ou sur la Switch en tant que telle. Fait que je sais pas si c'est la manette qui a un problème ou la console, mais en même temps, je joue tout le temps à cette TV, fait que who cares, hein? Peut-être un petit problème avec un de tes Joy-Con. Ça se pourrait très bien. De toute façon, ils sont bleus et rouges, fait que je vais les serrer parce que c'est pas bon. Tu vas t'en acheter des gris? J'aime pas assez les Joy-Con pour m'en acheter d'autres. Je les ai trouvés un petit peu... pas optimal côté confort. C'est vrai, mais j'ai joué pendant un certain temps sur ma console... puis faut dire que j'avais joué quand même quelques heures et là j'avais ressenti l'inconfort. Ouais. Ça me rappelle la Wii aussi, c'était pas, tu sais, c'était vraiment comme un prisme rectangulaire avec un petit bout pour mettre ton index, mais ça reste très angulaire, ça rentre dans la main, j'aime pas ça. À moins que vraiment tu jouais relax dans ton sofa avec ta manette tout croche là. Ouais, ouais. Si t'avais pas à pointer tout le temps à l'écran, ben c'est sûr que c'est pas le plus confortable. Mmh. Ce qui était confortable par contre sur la Wii et la Wii U, c'était le joystick de gauche, là. La petite bulle, là, ça c'est vraiment bien. Et la Wiimote, là, non. Bref, peu importe. C'est juste que là ils ont fait deux Wiimotes avec les Joy-Con, je trouve. C'est deux Wiimotes inconfortables. C'est comme ça. Bref. Mais on peut quand même jouer avec la manette de GameCube maintenant sur la Switch. Oui, si t'as un adaptateur que t'as payé dans le temps de Smash Brothers et qui n'est plus disponible en magasin, faut t'acheter du tiers parti. C'est ça? Oui, mais en fait, j'ai vu un adaptateur maintenant pratiquement pour la Switch. OK. Exprès pour la Switch, dans le fond. USB, c'est la même chose que pour la Wii U, mais encore une fois, tiers parti, mais ça a la même fonction et moins cher. Très intéressant, ça. Mais en même temps, je veux pas de fil. Fait que faut que t'aies une Wavebird. Puis ça, ben, sur eBay, une Wavebird pour la GameCube. Ou il y a d'autres marques, évidemment. Là, t'sais. Mais je sais pas, Pro Controller, ça se bat pas. Il y a, par contre, une manette, encore une fois, tire ce parti, mais officielle de Nintendo, okay. Le Horipad. Oui, j'ai entendu, ben, c'est ça. La compagnie qui la fabrique, c'est Horipad, mais c'est sous licence de Nintendo. Exactement. Je serais curieux de l'essayer, celle-là. Ouais, hein. Elle se vend à 40$, donc c'est beaucoup plus abordable que la Pro Controller. J'suis d'accord, ouais. Si j'étais pas aussi pute de luxe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le motion sensor comme avec le Pro Controller. Tu vois, tu viens d'enlever l'intérêt. C'est le fun de pouvoir battre Bowser en chacun ta manette. Spoiler alert. Oh! C'est vrai, mais par exemple, pour Breath of the Wild, où la plupart du temps, t'as pas nécessairement besoin de ton motion sensor, ouais. Sauf pour, par exemple, des puzzles où il faut que tu joues avec ta manette. Ouais, ben, tu sais, au pire, les gens vont l'acheter à 40$, vont réaliser qu'ils ont besoin du motion controller, vont la revendre puis vont acheter la Pro Controller. Moi, je préfère acheter directement la Pro Controller, mais tu sais, ça dépend des gens. Mais peut-être pour Mario Kart dans ce cas. Oui, tout à fait. Et je m'excuse d'avoir spoilé que tu battais Bowser dans Odyssey. Je m'excuse. Ben, en tout cas, il est quand même pas trop loin dans tous les univers Mario, donc. Tu t'es fait la blague. Je voulais te défendre, Mathieu. Ok, merci. Premier degré, hein. Oh là là. Mais c'est pas mal tout pour ma chronique, Mathieu. Bonne chronique, comme toujours. Ben, merci. Toujours rempli de choses vraiment pertinentes, vraiment intéressantes. Dans d'un autre gamer à un autre, on te retrouve dans 2 semaines. Oui. En deuxième partie d'émission, deuxième demi-heure. Non, c'est environ. Merci encore. Merci à toi. Hey, j'ai un petit cadeau pour toi. On fait souvent, en tout cas, au moins 3-4 fois depuis le début de la saison, on a joué à Jump Up Superstar de Mario Odyssey. Mm-hmm. Tu te rappelles, on a joué la version courte, on a joué la version YouTube. Là, j'ai la version complète. Et si les gens restent à l'écoute après la pause, spoiler alert, il y a une deuxième chanson de Pauline dans Odyssey. Elle est cachée à la toute fin. Je sais que ça va gâcher la surprise, mais ça vaut la peine. Moi, ça m'a pas dérangé de la gâcher parce que la toune est super bonne. C'est donc la nouvelle chanson pas vraiment. Est-ce que c'est de générique de fin? Est-ce qu'on peut dire ça? J'ai pas encore battu Bowser. Je suis rendu là. Il reste juste Bowser à battre. Et même si tu bats Bowser, il t'attend encore 500 lunes. Ça finit jamais. C'est ça. Apparemment que le jeu, parce qu'on a dit il y a 2 semaines que le jeu était vraiment facile, Mario Odyssey. Par moment, il y a des petits bouts difficiles, mais tu sais, il y en a comme 2, genre, à mon expérience. Mais apparemment, quand tu te rends à 500 lunes, ça devient super difficile. Genre vraiment challenging, et j'ai très hâte de m'y rendre. Mais pour ça, faut que je batte Bowser. Et sais-tu, une petite twist pour les tricheurs, les amiibo de Mario, de Bowser et de la princesse, seulement ces trois-là, offrent des power-up. Il me semble que Bowser te montre où les pièces mauves sont cachées. Mario, il me semble, te rend invincible pendant un certain bout de temps, plus long que tu penserais. Et il me semble que c'est la princesse qui donne un cœur à 6 pointes au lieu de 3. C'est un peu comme dans Mario 64, bon. Et tu peux faire ça n'importe quand, et le nombre de fois que tu veux. Donc, une fois rendu à Bowser, vu qu'il t'offre l'opportunité de scanner la princesse, prends un cœur, bah Bowser, hein. C'est pas triché, ça. C'est pas triché. Il te l'offre. Tu serais fou de pas le prendre. Mais faut quand même que tu payes 20$ pour chaque amiibo. Tout à fait. À moins d'acheter des NTC tags, mais ça, c'est un autre sujet. Et c'est laid, et c'est pas le fun d'exposer dans une armoire. Non. J'ai aucun amiibo de la princesse, faut que j'aille chercher ça. Voilà. Pour battre Bowser. On va peut-être essayer de le battre avant tout ça. Bref, j'étais en train de dire chanson nouvelle de Pauline à la fin du jeu qui vient tout juste là, d'être révélée depuis la sortie du jeu. C'est sorti dans les dernières semaines. Avant ça, par contre, le classique, on n'a pas le choix. Et là, je te fais entendre parce qu'on a déjà entendu, je t'avais dit la version courte, on a entendu la version YouTube. Il faut qu'on entende la version, je te dis pas c'est quoi. On l'écoute. Écoute la poche, je ferme le son en studio. Écoute pas ça. It's time to run. with me, grab coins with me, oh yeah! It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl, don't fear them, shed a tear, girl. I'll be your one-up girl. So let's all jump up super high, high up in the sky. There's no hell, we're up like dancing. You know that you're my superstar. Spin the wheel, take a chance. Every journey starts a new romance. A new world's calling out to you. Take a turn off the path, find a new addition to the cast. You know that any captain needs a crew. Take it in stride as you move side to side. They're just different points of view. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. Jump up in the air, jump without a care. Jump up cause you know that I'll be there. And if you find you're short on joy, then break it down together. You're still a one-up boy. So go on, straighten up your cap. Let your toes begin to tap. This rhythm is a power shroom. Don't forget your

voilà, c'est tout pour cette édition spéciale du Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Frédéric Simon pour ses chroniques d'un autre gamer à un autre. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye.